Enseignement par le vénérable Sayado Upandita Bhivamsa, retraite de méditation Vipassana 2001, quatrième jour. Venir dans un centre comme celui-ci, dans l'intention de pratiquer cet enseignement supérieur que représente la méditation Satipatthana, c'est faire l'effort de se purifier, de redresser et d'embellir sa vie. Fondamentalement, il s'agit donc de devenir beau. On ne doit pas se reprocher de vouloir devenir beau. En général, les gens ne cherchent à embellir que leur corps. Ils ne recherchent pas l'embellissement de l'esprit. Mais si on ne forme pas son esprit, ou pour l'exprimer autrement, on ne cherche pas à s'embellir l'esprit, que va-t-il se passer? Le vénérable Sayado va expliquer brièvement les conséquences d'un tel comportement. Une vie passée dans la négativité est vaine. Son tronc et ses branches ne porteront pas de fruits. Pour libérer l'esprit des impuretés mentales, il faut connaître la méthode appropriée. Il va sans dire que si on ne dispose pas d'une telle méthode, il ne sera pas possible de la pratiquer. Que va-t-il se passer alors? La personne sera dominée par l'agitation, l'indécision, la confusion, le non-savoir. Son esprit sera aveuglé et obstrué. Ni la crainte, ni la honte ne se manifesteront chez une telle personne. Il y aura au contraire absence de crainte et absence de honte vis-à-vis des actions négatives. Si l'esprit n'est pas contrôlé, la personne n'a pas peur de se comporter négativement et elle ne sera pas honteuse de mal se comporter. Avec moha, l'ignorance, apparaissent donc ahirika et anotapa, l'absence de honte et l'absence de crainte. Et il y aura également agitation. Si on ne note pas qu'on n'est pas conscient des différents objets, conformément aux recommandations du Bouddha, qui demande de garder l'esprit avec vigilance chaque fois qu'un objet se manifeste, les kilesas ou impuretés mentales vont pénétrer le courant de conscience par vagues successives. En conséquence, l'esprit ne sera ni pur ni propre. Il va devenir laid. Le comportement physique et verbal va également s'enlaidir. Et ce n'est pas tout. Comme la personne est dominée par la confusion, l'illusion, l'égarement, elle est incapable de discerner les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux, elle est incapable de discerner les causes et les effets, il y aura doute et la personne va commencer à se demander s'il y aurait un créateur responsable de tout cela. L'esprit va naviguer d'une option à l'autre. Et si un orateur habile se présente à ce moment, il convaincra cette personne qui va développer des idées fausses et s'y attacher. Ne pas pratiquer la méditation Satipatthana, c'est courir le risque de se voir finalement submergé par toutes sortes d'idées fausses. Si la racine de moha est forte, les états mentaux associés, les chetasika, vont pénétrer l'esprit. À la suite de moha, l'ignorance, c'est loba, le désir, et dosa, l'aversion, qui vont faire leur apparition. Ne pas comprendre comment se fait le passage d'une vie à l'autre, c'est moha, l'ignorance, aura pour conséquence que la vie apparaîtra comme désirable et agréable. La personne va s'y attacher, et cet attachement, c'est précisément l'oba. Ne pas voir les imperfections du plaisir sensuel de Kamaguna, c'est moha, l'ignorance, aura pour conséquence que l'attachement au plaisir sensuel va surgir. La personne s'attache au fait de voir, d'entendre, de sentir, de goûter, de toucher et de penser. Elle désire voir, entendre, elle désire sentir, elle désire goûter, elle désire toucher et elle désire penser. Une fois de plus, c'est moha, l'ignorance, qui a mené à l'oba, le désir et l'attachement à ses plaisirs sensuels. Avec l'ignorance moha apparaît donc l'oba, le désir. Le désir, c'est une racine. Cette racine va se manifester dans l'esprit sous forme de raga, l'avidité. Raga est omniprésente dans la société. Mais la vie ne sera pas toujours agréable. Nous serons condamnés à expérimenter tôt ou tard l'insatisfaction. Les choses ne vont pas toujours se passer conformément à nos désirs et à nos souhaits. Dosa, l'aversion, va alors se manifester. Lorsque ce ne sera pas le cas, l'aversion va surgir. Et elle va surgir sous forme de malveillance, de déplaisir, d'insatisfaction, d'animosité, etc. Imaginons par exemple que jusqu'à présent nous ayons eu une vie agréable, nous n'avons pas encore rencontré de difficultés. Si des problèmes surgissent, nous serons incapables de les supporter. Nous serons paniqués à l'idée que notre vie pourrait prendre un tournant négatif et indésirable. En conséquence, dosa, l'aversion, va se manifester. Cette dosa apparaît donc associée à moha, l'ignorance. Ne pas voir les imperfections de loba, le désir, et de dosa, l'aversion, revient à s'y complaire. La personne se complaît dans loba et dans dosa. Cela va entraîner beaucoup de comportements incorrects. Lorsqu'on se complaît dans l'avidité, on sera forcément amené à produire des dukkharita, des actions non vertueuses. Ne pas voir les imperfections de dosa, la colère, revient à s'y complaire, et on sera également amené à produire des dukkharita, des actions négatives. Si on analyse les causes racines de tout ceci, on peut voir que la racine se trouve dans moha, l'ignorance. Le fait de ne pas voir les défauts, les imperfections de loba et les imperfections de dosa. L'empereur Asoka Seneca nous a laissé à cet égard un édit gravé dans la pierre. Cet édit proclame que si les gens produisent toutes sortes d'actions négatives, c'est parce qu'ils ne voient pas les imperfections de ces actions négatives, ils les croient intéressantes et s'y complaisent. Se complaire donc dans l'avidité implique forcément que morale ignorance est présente. De la même façon, lorsqu'on se complaît dans dosa la haine, moha, l'ignorance est forcément présente. C'est évident. Moins on voit les imperfections de loba, le désir, plus les négativités prennent racine dans l'esprit, comme raga, l'avidité. Les vues fausses peuvent également apparaître dans l'esprit. D'où vient l'oba, le désir? Nous pouvons voir que le désir s'enracine dans moha, l'ignorance. Une personne qui réussit à acquérir un certain statut social pourrait commencer à s'y croire et devenir vaniteuse. Cette vanité est donc associée à l'oba, le désir. Celui-ci va se développer exactement comme le tronc d'un arbre se développe et ses branches se démultiplient. Lorsqu'on ne voit pas clairement où sont les véritables intérêts de la vie, on laisse se développer en soi les vues fausses et la vanité, l'esprit se durcit de plus en plus. La personne n'est plus raffinée ni aimable. Ne pas voir les imperfections de dosa, la colère, et se persuader qu'il s'agit d'un état d'esprit positif aura pour conséquence que la personne va s'y complaire, ce qui va renforcer l'aversion. Les états d'esprit comme le désappointement, l'insatisfaction vont alors proliférer. De nos jours, dosa se manifeste sous forme de tension, de stress, de dépression, toutes formes d'états mentaux très fréquents dans la société moderne. Et il n'y a pas que l'insatisfaction qui va apparaître en association avec dosa. Il y aura encore d'autres états mentaux négatifs. Ne pas être capable de supporter que d'autres réussissent, c'est la jalousie, issa, en pali. Ne pas vouloir s'associer avec les autres. Et lorsque les gens s'associent entre eux, l'aversion surgit. Ce qui est une forme d'avarice de Macharia. Cette forme d'avarice apparaît en association avec dosa. Elle se développe à partir de la colère. Il y a également les inquiétudes et les regrets. Le regret d'avoir fait certaines choses ou de ne pas avoir fait certaines choses. On regrette de ne pas avoir fait le bien et on regrette d'avoir fait le mal. C'est kukucha, l'inquiétude, le regret. Kukucha se développe également à partir de dosa. La jalousie, issa. L'avarice, macharia. Et l'inquiétude, et le regret kukucha, ces trois facteurs mentaux se développent à partir de dosa, l'aversion. Elles vont se renforcer et rendre l'esprit très dur. Il y a encore d'autres facteurs mentaux qui s'enracinent dans moha, l'ignorance, dans loba, le désir, comme par exemple ne pas désirer se purifier l'esprit, ne pas vouloir la libération, ne pas vouloir s'assurer dans la vie. Si on ne veut pas fournir d'efforts pour se purifier, l'esprit va devenir visqueux et mou. Ce manque de volonté, c'est tina. Et la fatigue ou épuisement de l'esprit, c'est mida. Tina, la paresse, et mida, l'épuisement de l'esprit, sont des états négatifs, des dhammas négatifs qui doivent être combattus. Il faudra pour cela utiliser les facteurs janiques et viriya, l'énergie. Si on ne fait pas appel aux facteurs janiques et si on ne développe pas viriya, l'énergie, on n'obtiendra pas la libération. On sera submergé par la paresse et par la torpeur, tina et mida, et la vie aura été inutile. Ignorer ce que sont les kusalas, les actions vertueuses. Ignorer que les kusalas sont bénéfiques et amènent des résultats positifs. Et d'autre part, ignorer qu'il existe des akusalas, des actions non vertueuses, et que ces actions non vertueuses donnent des effets négatifs. Ignorer la réalité de la loi de cause et d'effet, le fait que les causes amènent toujours des effets de même qualité. Ignorer le chemin qui mène à Nibbana. Ignorer tout cela, c'est en vérité ne rien savoir. On est victime d'une très forte ignorance, d'une très forte moha. On est incapable de prendre une décision, on hésite, on ne sait pas conclure, et cette moha, cette ignorance, va donner lieu à toutes sortes de comportements incorrects. Si les facteurs mentaux de loba, le désir, de dosa, la colère, et de moha, l'ignorance, ne sont pas éliminés, ils prendront racine dans l'esprit, et ils vont s'en emparer. On pourrait comparer cela au développement d'un arbre. L'arbre s'enracine dans le sol. C'est dans le sol qu'il puise sa nourriture et l'eau par les racines. Ceci va lui permettre de se développer, de devenir luxuriant. Ses branches et ses rameaux vont se démultiplier et il portera des fruits. De la même façon, le désir, la colère et l'ignorance prennent racine dans l'esprit, elles vont s'y développer et se ramifier. Nous avons déjà parlé des états d'esprit qui font partie de dosa, de moha et de loba. Par exemple, ahirika, l'absence de honte, et anotapa, l'absence de crainte. Loba, dosa et moha, ces trois facteurs mentaux, vont se manifester sans interruption, sauf pendant les heures réservées au sommeil. Un esprit qui n'a pas réussi à se débarrasser des racines de loba, de dosa et de moha devient laid, et c'est la vie tout entière qui est enlaidie. Si on ne forme pas l'esprit, si on ne l'élève pas, si on ne s'efforce pas de le purifier, de l'embellir, il va devenir vulgaire, visqueux et laid. Et tout ceci, bien sûr, est inacceptable. Il faut trouver une méthode pour se purifier et former son esprit. Il faut l'éduquer de façon à ce qu'il devienne beau. Et cette méthode, c'est Satipatthana. si on ne forme pas son esprit, si on ne le modifie pas, si on ne façonne pas sa vie, si l'esprit est laissé à l'état naturel, originel, il n'y aura pas de pureté, pas de propreté. Cet esprit ne sera pas civilisé, il ne connaîtra pas le calme, la paix, il ne sera ni beau ni raffiné. En général, les gens négligent de se purifier l'esprit et de le cultiver. La société peut être divisée en quatre catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les gens qui forment leur corps, mais ne forment pas leur esprit. La deuxième catégorie, ce sont les gens qui forment leur esprit, mais qui ne forment pas leur corps. La troisième catégorie, ce sont les gens qui forment à la fois leur esprit et leur corps. Et la quatrième catégorie, ce sont les gens qui ne forment ni leur esprit ni leur corps. La troisième catégorie, bien sûr, est la meilleure. Et il convient de la préférer à la dernière. Voyons la première catégorie, les gens qui forment leur corps mais qui ne forment pas leur esprit. Il y a deux façons de former le corps. La première consiste à l'éduquer en fonction de la tradition, de la culture. Et la deuxième façon de former le corps, c'est de le purifier par la moralité. La première façon consiste donc à éduquer le corps en tenant compte des critères en vogue. Il faudra pour cela écouter les conseils des aînés. Il faut se laver le visage, se laver les mains avant le repas. Il faut, si nécessaire, se parfumer. Les vêtements doivent être propres et avenants. Il faut se nourrir correctement et se comporter aimablement avec les autres. On sera alors une personne bien élevée. C'est la façon habituelle de former le corps. Mais en général, les gens négligent la moralité et pour ce qui est de l'esprit, ils ne l'éduquent pas. Ceux qui se contentent de cette façon de former leur corps ne deviendront pas des personnes vertueuses. On peut atteindre un très haut niveau social et rester néanmoins sous-développé du point de vue de la moralité. On occupe alors un rang très élevé sur le plan mondain, mais du point de vue de la moralité, on est un analphabète. En réfléchissant à ce que représente une telle vie, on comprend qu'il s'agit là d'une façon basse et vulgaire de vivre et que c'est regrettable et lamentable. Ici se termine l'enseignement d'aujourd'hui.